En ce qui concerne ce soir, et l'heure de l'Isha approche, en ce qui concerne ce soir, je vais faire la traduction, bi'idhnillahi ta'ala, d'une conférence de Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, qu'Allah le préserve. Une conférence qui s'intitule At-tashkik fi al-ulama wa atharuhu ala al-thawabit. Émettre des doutes sur les savants. Le titre de la conférence c'est Émettre des doutes sur les savants et les effets que ceci a sur les fondements. Ni les fondements de la religion. Et je vais commencer afin de ne pas prendre trop de temps après la salat, inshallah ta'ala, car je laisserai l'opportunité aux frères qui doivent aller prier à la mosquée. Je ferai une pause d'une demi-heure, de 9h15. Ou de 9h20 jusqu'à 10h moins 10, 21h50, je ferai une pause. Et durant cette pause, je mettrai l'audio de la conférence en arabe sur le site, sur la radio du site. Donc je commence. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى Donc الشيخ صالح الفوزان il dit qu'Allah le préserve بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, la louange est à Allah, Seigneur des mondes, et qu'Allah accorde la prière et la bénédiction et le salut à notre prophète Mohammed, ainsi qu'à sa famille et à tous ses compagnons. Amma ba'd. Falmawdou'u kama sami'tum, mawdou'un muhimun jidda. Donc le sujet, comme vous avez entendu, est un sujet très important. Wa huwa mawdou'u بيان مكانة العلماء وحاجة الأمة إليهم والرد على من يقلل من شأنهم ويقول هم رجال ونحن رجال لهم اجتهادهم ولنا اجتهادنا وغير ذلك من الشبهات التي يريدون بها أن يفصلوا بين المسلمين وبين علمائهم Donc ce sujet, c'est l'explication de la place des savants et le besoin que la communauté et le fait que la communauté a besoin d'eux et la réplique à ceux qui diminuent à ceux qui diminuent du mérite des savants. Et qui dit, ce sont des hommes, et nous aussi nous sommes des hommes. Eux, ils font leur ijtihad, ils font leur effort d'interprétation. Et nous aussi, nous faisons notre propre effort d'interprétation. Et bien d'autres choses parmi les ambiguïtés par lesquelles ils veulent séparer les musulmans des savants, ni de leurs savants. حتى يسهل عليهم نشر الضلال والمذاهب الفاسدة. Tout cela pourquoi? afin qu'il leur soit plus facile, afin de leur faciliter la propagation de l'égarement et des idéologies tendancieuses et perverties. Wajib at-tanbih. Et donc il est une obligation donc d'appuyer sur ce point, d'apporter certaines remarques à cette chose. Là, vous voyez comment Shir commence sa conférence en disant que ces gens-là qui diminuent du mérite des savants et qui disent que les savants sont des hommes et nous aussi nous sommes des hommes et qu'eux ils font leur ijtihad et nous on fait notre propre ijtihad, ces gens-là, ce qui les pousse à cela, c'est quoi? C'est qu'ils veulent séparer la communauté des savants. Parce que si les gens ne reviennent pas aux savants, alors il est plus facile pour les innovateurs de faire croire aux gens ce qu'ils veulent. Lorsque tu n'as plus confiance aux savants de la sunna, comment vas-tu connaître la sunna? Comment vas-tu connaître le vrai du faux? Tu ne pourras pas. Car comme nous avons dit, cette science, elle se prend des savants. Taïb. Ils ont beaucoup de méthodes hein, pour te séparer des savants. Ils ont beaucoup de méthodes. Ensuite, Cheikh, il dit العلماء لهم قدرهم ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. Les savants, ils ont leur place et leur mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين. Et également, ils ont leur place et leur mérite auprès du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم et auprès des musulmans. قال الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الله سبحانه وتعالى dit, dans la traduction rapprochée du sens du verset, dit: sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Il n'y a que les gens doués d'intelligence qui se rappellent. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في مجالس العلم فافسحوا يفسح الله لكم. Et également Allah سبحانه وتعالى dit dans la traduction rapprochée: ô vous qui croyez, lorsque l'on vous dit faites place dans vos assemblées, c'est-à-dire dans les assemblées de science, alors faites place, faites de la place, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala également vous accorde une place. وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا إِذَا قِيلَ قُومُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَقُومُوا. Et lorsque l'on vous dit levez-vous, alors levez-vous. C'est-à-dire, lorsque l'on vous dit levez-vous pour la prière, alors levez-vous. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Certes, Allah élèvera ceux qui ont cru parmi vous et ceux à qui il a été accordé de la science. Ils seront élevés en degré. La ya'lamuha illa hu subhanahu wa ta'ala. Hum darajatun 'inda Allah wallahu basirun bima ya'malun. Ils sont élevés à des degrés que nul ne connaît à part Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont auprès d'Allah à des degrés. Et Allah voit parfaitement ce que vous faites. وكذلك مما يدل على فضل العلماء أن الله قارن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود وهو التوحيد. Également parmi les choses qui montrent le mérite des savants, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rattaché leur témoignage à son propre témoignage et au témoignage de ses anges sur la plus grande chose que l'on peut témoigner, qui est le tawhid. Sur la plus grande chose dont on peut témoigner, qui est le tawhid. Qala subhana, shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al aziz al hakim. Allah subhanahu wa ta'ala dit, toujours dans la traduction rapprochée, dans la traduction rapprochée du sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah atteste, et aussi les anges et les gens doués de science, qu'il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée à part lui, le mainteneur de la justice. Point de divinité qui mérite d'être adorée à part lui, le puissant, le sage. وما هذا إلا لشرفهم لشرف العلماء ومكانتهم عند الله. Et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a rattaché leur témoignage à son propre témoignage et au témoignage de ses anges, ce n'est que pour montrer le mérite de ces savants, le mérite des savants et, et la place qu'ils ont auprès d'Allah. شرفهم الله بالعلم والعمل والإيمان على غيرهم. Allah subhanahu wa ta'ala les a favorisés par rapport aux autres. Allah subhanahu wa ta'ala les a favorisés par la science, par les actes et par la foi par rapport au reste de la communauté. والرسول صلى الله عليه وسلم قال والعلماء ورثة الأنبياء. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les savants sont les héritiers des prophètes. كفى بهذا شرفا أن العلماء هم ورثة الأنبياء. Ceci suffit comme faveur et comme mérite que les savants soient les héritiers des prophètes. ورثتهم في أي شيء تركات وأموال لا العلم في العلم. Ils sont les héritiers des prophètes dans quelle chose? Dans l'héritage? Dans les biens? Non. Dans la science. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا يعني سبق اللسان من الشيخ قال يعني في المحاضرة قال وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما. والصحيح وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et là le shikh, il a fait un lapsus, il a dit, les savants n'ont laissé un héritage ni dinar ni dirham. Mais en fait, dans le hadith, ça c'est un lapsus du shikh, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham, mais ils ont laissé la science. Donc quiconque l'apprend aura obtenu une grande part de l'héritage des prophètes. وقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la supériorité du savant sur le simple adorateur est semblable à la supériorité de la lune sur toutes les autres, sur tous les autres astres. لأن العالم يشبه القمر في أنه ينير لنفسه وينير للناس. Ceci car le savant est semblable à la lune dans le fait qu'il illumine pour lui-même et il illumine les gens. فنفعه يتعدى. Donc son bien, il se répand et il s'étend aux autres. وأما العابد فنوره قاصر على نفسه ولا يتعدى نفعه إلى الناس. Quant au simple adorateur, eh bien sa lumière se limite à lui-même. Yani ses adorations, ce que Cheikh il veut dire par là, c'est que ses adorations, il n'y a que lui qui en profite. Et ça ne s'étend pas aux autres. ومما يدلكم على ميزة العالم على العابد على العابد الذي يعبد الله عبادة عظيمة. لكن العالم أفضل منه. Et parmi les choses qui montrent le mérite du savant par rapport au simple adorateur, celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala et fait beaucoup d'adoration, certes, le savant est meilleur que lui. وذلك فيما ذكره الله ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عمن كان قبلنا. Ceci dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté parmi ceux qui vivaient avant nous. أن رجلا قتل 99 نفسا ظلما وعدوانا. Que parmi les communautés qui nous ont précédés, il y a eu un homme, il y avait un homme qui a tué 99 personnes injustement. Et par oppression. فوقع في نفسه أن يتوب إلى الله عز وجل. Alors, dans son âme, il a voulu se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. ولكنه تعاظم ذنبه. ولا يدري هل تقبل توبته أو لا تقبل. Donc, il voulait se repentir, mais il voyait que son péché, le fait d'avoir tué 99 personnes, était immense. Et il ne savait pas si son repentir allait être accepté ou pas. فذهب إلى عابد من العباد جاهل عابد لكنه جاهل. Donc il est parti voir quelqu'un qui était fervent dans l'adoration d'Allah, mais qui était ignorant. Il était fervent dans l'adoration, mais ignorant. Fasa'alahu. Faqal. Inni qataltu 99 nafsan bighayri haqq. Donc il est parti voir cet homme, cet adorateur, et il lui a dit: j'ai tué 99 personnes sans aucun droit. Wa antum ta'lamun ma qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi man qatala mu'minan muta'ammidan. Cheikh Al-Fawzan dit: et vous savez bien ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur une personne qui tue un croyant volontairement. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الله سبحانه وتعالى dit sur celui qui tue un croyant volontairement, il dit: sa rétribution alors sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. فهذا قتل 99 نفسا بغير حق. Donc lui, il a tué 99 personnes sans aucun droit. Et donc, il est, comme nous avons dit, il est parti voir l'adorateur pour le questionner là-dessus. فقال فهل لي من توبة. Donc, est-ce que je peux me repentir? فقال هذا العابد الجاهل لا ليس لك توبة. Alors, cet adorateur ignorant lui a répondu: non, tu n'as pas de repentir. Tu ne peux pas te repentir. فغضب الظالم فقتله. قتل العابد وكمل به المئة. Donc, l'injuste l'a tué. Il a tué l'adorateur. Et il a complété les 100 personnes. Yani il a tué une centième personne qui est cet adorateur. ثم ذهب إلى عالم من العلماء فقال إني قتلت 100 نفس بغير حق فهل لي من توبة. Puis ensuite il est parti vers un savant, un parmi les savants. Et il lui a dit: j'ai tué 100 personnes sans aucun droit. Est-ce que je peux me repentir? فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة. Il lui a répondu, ce savant, il a répondu donc à cette personne, il lui a dit: et qui veux-tu qui vienne s'interposer entre toi et ton repentir? ولكنك بأرض سوء وإن هناك أناسا يعبدون الله في أرض أخرى فاذهب إليهم واعبد الله معهم واعبد الله معهم. Donc il lui a dit: mais ici tu es sur une terre mauvaise. Il y a des gens là-bas, dans une certaine contrée, qui adorent Allah sur une autre terre. Va vers eux et adore Allah avec eux. Toubil Allah wa hajir ila al-ardi at-tayyiba. Repentis-toi et émigre vers la bonne terre. أبعد عن أرض السوء التي نبت فيها. Écarte-toi de cette mauvaise terre sur laquelle tu as grandi. Je termine le hadith, puis je ferai une pause, comme j'avais dit pour la salat. فخرج الرجل تاب إلى الله خرج مهاجرا يريد الأرض الطيبة. Alors l'homme s'est repenti à Allah et il a quitté cette terre mauvaise pour émigrer vers la bonne terre. فحضره الموت في الطريق. Puis il a été touché par la mort au milieu du chemin. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. Alors les anges de la miséricorde et les anges du châtiment se sont disputés à son sujet. ملائكة الرحمة يقولون إنه جاء تائبا إلى الله يريدون أن يستلموه وأن يقبضوه. Les anges de la miséricorde, ils ont dit, il est venu en étant repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges, ils voulaient le prendre. Les anges de la miséricorde, ils voulaient que ce soit eux qui le prennent. وملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط يريدون أن يأخذوه. Et également les anges du châtiment, ils ont dit, il n'a fait aucun bien. Et donc c'est pour cela qu'ils voulaient le prendre. فأرسل الله إليهم ملكا يحكم بينهم فقال قيسوا ما بين البلدتين الأرض السوء والأرض الطيبة فإلى أيهما كان أقرب كان من أهلها. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un ange afin qu'il juge entre eux les deux groupes d'anges, les anges de la miséricorde et les anges du châtiment. Et cet ange leur a dit, mesurez la distance qu'il y a entre les deux contrées, la mauvaise terre et la bonne terre. Et en fonction de celle vers laquelle il sera le plus proche, alors il sera compté parmi ces gens-là. فقاسوا ما بين البلدتين فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة أقرب بشبر. Donc ils ont mesuré entre les deux contrées et ils ont trouvé qu'il était plus proche de la bonne terre d'une distance d'un empan. C'est-à-dire un empan, lorsque tu ouvres ta main, la distance qu'il y a entre ton pouce et ton auriculaire. C'est cela un empan. Donc il était plus proche de la bonne terre de cette distance-là. Wa fi riwaya lamma hadarahu al-maut wa huna kalima ghayr wadhiha fi al-sawt fi as-sawtiyat. لكن يعني المفهوم انه كان يعني بصدره كانه اقترب بصدره الى الارض الطيبه. Et dans une version, il est dit, dans une version de ce hadith, il est dit que lorsque la mort lui est venue, et là il y a un mot qui n'est pas très clair dans l'enregistrement, mais Allahu a'lam, le sens c'est qu'il s'est rapproché. Il a rapproché sa poitrine vers la bonne terre. لما عجز عن المشي, lorsqu'il ne pouvait plus marcher. فقبضته ملائكة الرحمة. Et donc ce sont les anges de la miséricorde qui ont pris son âme. انظروا إلى فتوى العالم وفتوى الجاهل لتدركوا فضل العلم والعلماء على غيرهم على العباد فكيف بغير العباد. Regardez la différence. Regardez la fatwa du savant et la fatwa de l'ignorant, afin que vous compreniez le mérite du savant, le mérite de la science et des savants sur les autres, sur les adorateurs. Alors que dire sur ceux qui ne sont pas des adorateurs? Et sur ce, donc, je m'arrête pour faire une petite pause. Et je reprendrai le cours, inshallah ta'ala, dans une demi-heure. Et vu qu'il est maintenant en France 21h30, donc je reprendrai à 22h, bi'idhnillahi ta'ala. Et en attendant, je vous mets, pour ceux qui restent à l'écoute, je vous mets l'audio de Shir en arabe. La'allallaha an yanfa'akum bihi. Peut-être que vous comprendriez mieux et que vous allez tirer profit de cela. أما بعد، فالموضوع كما سمعتم موضوع مهم جدا، وهو موضوع بيان مكانة العلماء وحاجة الأمة إليه، والرد على من